Précédemment, dans Destination Série. Ainsi s'achève cette 23e saison de Destination Série. C'est promis, en septembre on revient. Et voilà, saison 24. Et attention, on va accéder à la saison 24. Et vous connaissez mon attachement. Vous connaissez l'attachement que Benoît porte à la série 24 heures chrono. Donc pour cette 24e saison de Destination Série, on va travailler dur cet été pour vous offrir encore plus de bonheur avec la 24e saison de Destination Série qui arrive. Tous les vendredis dès 18h sur Fadjet, Destination Série. Sénateur Palmer, laissez-nous. Je suis juste à côté. Merci. Fermez la porte. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Je veux savoir qui travaille avec vous. Dans quel cadre, monsieur? Je ne... Ce qui se passe ici, maintenant. Nous allons mettre un terme à cela. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais j'aimerais... Je sais pourquoi vous voulez ma tête, monsieur Bauer. Je veux votre tête, non, monsieur le sénateur. Là, il faut une explication. Kosovo! Kosovo? Je sais que vous me tenez responsable de la mort de vos hommes. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Vous connaissez l'opération Crépuscule? Je l'ai autorisé, cette mission. Je sais que vous avez supprimé Victor Dresden et ses proches. Et que vous avez perdu 6 hommes dans l'opération. Et vous pensez que je veux me venger de la mort de mes hommes? Exactement. Sans vouloir vous contredire, monsieur le sénateur, j'ai bien failli rester aujourd'hui pour essayer de vous protéger. Quant à la mort de mes hommes au Kosovo, le seul responsable, c'est moi. Alors que faisiez-vous ce matin dans la centrale électrique? En effet, j'ai pris l'arme de cet agent de la sécurité et c'était pour tenter de vous faire sortir de la pièce sans me découvrir. Les mêmes qui veulent vous tuer avaient enlevé ma famille. Ils menaçaient de les tuer si je ne les aidais pas dans leur tentative d'assassinat. On ne vous a pas expliqué cela quand vous êtes arrivé ici, monsieur? Non. C'est la vérité. Vous pouvez le vérifier auprès de Chopin. À ce moment précis, vous vous apprêtez à accéder à un nouvel épisode de votre émission Destination Série. Retrouvez Laurent, Benoît, Manon et Sylvain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la 24e saison de Destination Série. En juillet dernier, quand on s'est quitté, je vous annonçais officiellement que cette 24e saison allait être sous les couleurs de 24 heures chrono, la série qui, dès le 6 novembre 2001, dans le monde entier, enfin surtout à l'époque aux États-Unis, a vraiment bouleversé le petit monde de la télévision. Jamais dans les plans, jamais dans les discussions que j'avais eues avec Benoît, jamais j'aurais imaginé qu'en ouvrant cette émission, ça me fait quelque chose, on parle, mais alors là, véritablement, puisque Kiefer Sutherland et on sait qu'un scénario a été écrit, on parle d'un retour possible de 24 heures chrono. C'est la décision est entre les mains de Disney+. Donc tout au long de cette saison, si, croisons les doigts, tout va dans le bon sens, on risque de vivre une saison de dingue, puisqu'on va parler du possible retour de Kiefer Sutherland dans un personnage qu'on n'a pas oublié, qu'on n'a pas envie d'oublier et qu'on aimerait voir ressortir de là où il est resté à la dernière saison qu'on a découvert. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de la 24e saison de Destination Série. Et comme dans la précédente émission, à mes côtés, j'ai bien sûr Benoît. Bonjour Laurent. Sylvain. Bonjour à tous, bonjour Laurent, bonjour Benoît. Et je garde la meilleure pour la fin, surtout c'est elle qui le dit. Excellent. Dans la bande-annonce, c'est elle qui propose la meilleure des chroniques. Veuillez accueillir chez vous Manon. D'habitude, on dit les femmes d'abord, hein, mais il n'y a pas de souci. Oui, mais j'ai voulu suivre le cheminement de la bande-annonce, où jusqu'à présent, on disait, je t'annonçais en premier, mais là, je voulais vraiment suivre le cheminement dire qu'on réservait le meilleur pour la fin. Belle excuse. J'ai suivi la bande-annonce, le texte que tu m'as donné pour la bande-annonce. Voilà, nous sommes tous réunis pour ce lancement de cette 24e saison. Et on ne pouvait pas démarrer cette nouvelle saison sans avoir notre chouchou, notre virtuose. Donc je le mets tout de suite à l'antenne, j'espère que ça va fonctionner. Et c'est pire qu'un chouchou et qu'un virtuose, je te rappelle que c'est notre parrain. Je te laissais le dire. Voilà. Jérémy ? Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. J'ai eu peur à quoi ? J'ai eu peur aussi. Bonjour. On m'a changé l'organisation de la régie et au niveau du téléphone, il y avait une interrogation au début. Bonjour Jérémy, quel bonheur de nouveau de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Alors, on a fait une entrée en matière avec 24 heures chrono. Est-ce que toi, tu avais suivi à l'époque ou alors ce n'était pas ta série préférée ? Je dois avouer que j'ai une immense lacune sur cette série. J'ai dû voir un ou deux épisodes complètement... déconnecté, donc non. Malheureusement, je ne partage pas votre passion pour cette série. Donc... Oups. Ouais. Non. Censure, non, c'est ça. Non, normalement. Il est toujours là, normalement. donc là, il y a quelqu'un qui appelle. Je pense que la nouvelle installation est formidable par rapport à la précédente. C'est que là, on a quelqu'un qui appelle. Et moi, en tout cas, j'ai le retour, j'ai un bip. Oui. Je sais pas si vous l'avez. On a les bips. Mais voilà, c'est la première. On va avancer tranquillement. Donc, pour cette première, on voulait revenir avant de parler quand même un peu, même si tu m'as dit... hors antenne que ça ne faisait pas partie d'actualité de Destination Série, j'aimerais quand même qu'on s'arrête quelques instants sur ton actualité qui va apparaître ce soir à 20h. Je voudrais dire aussi, c'est que entre nous, ça a évolué notre relation. À un moment donné, je lance une idée pour le nouveau morceau qu'on va découvrir ce soir, et ta réponse, mais j'étais éclaté devant mon ordinateur quand j'ai lu la réponse, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit ? Tu te rappelles de la réponse ? Bah justement, non, je la cherche dans ma tête, je ne m'en souviens pas. Parce que moi, je cherchais, je supputais, et je disais, ça peut être... Au vu des images qu'on découvrait de jour en jour sur Internet, ça ressemblait au logo de FR3. Ah oui, exact, oui. Hein, Futur France 3. Non, mais j'avais pas du tout la ref, du coup. Oui. Et la réponse a été, non mais bien sûr, j'ai que ça à faire, hein, reprendre les ouvertures de chaîne. J'étais, mais alors ça m'a fait rire. C'était incroyable. Beaucoup plus moderne quand même. Hein. C'était quand même beaucoup plus moderne l'approche de Jérémy là-dessus. Ah bah oui, surtout qu'on n'est pas du côté de France 3. Hein. Non. Donc là, on va s'attarder en premier sur le rétrovision qu'on a découvert maintenant il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Tu t'es arrêté cette fois-ci sur Albator. Effectivement. Alors Albator, par contre, si tu t'es arrêté sur Albator, c'est que quelque part, cette série, tu l'as aimée. Alors, non, justement, donc j'en avais parlé... étant donné que je suis né bien après, ce n'est pas une série que j'ai connue, mais c'est une série que j'ai découverte très récemment, en fait. Et puisqu'elle ne faisait pas partie, lors de mon enfance, des séries qui avaient bénéficié d'une rediffusion telle que Jace, Ulysse, Esquedor, etc. Albator est complètement passé à la trappe, donc pour moi, c'était un pan entier de ma culture qui était inexistant. Et c'est donc Stéphane Ingrand, qui est concepteur de synthétiseurs chez NR5, avec qui je suis en contact depuis une dizaine d'années, alors plutôt sur des sujets de conception d'instruments, qui aime beaucoup ce que je fais et qui m'avait proposé il y a quelques années en me disant, voilà, je vais sortir un nouvel instrument et j'aimerais pour le promouvoir faire une vidéo. Et j'avais pensé reprendre le thème de la bataille d'Albator. Et à la base, il m'avait simplement proposé, est-ce que ça te dirait de simplement venir jouer un solo de guitare dessus, voilà, juste pour le fun. Je lui ai dit oui, bien sûr, pas de souci. Et le temps a passé, les mois ont passé, puis un jour, il m'a carrément envoyé une petite démo qui correspond, on va dire, un peu à la première partie du morceau. Du coup, il me montrait vers quoi il voulait tendre, donc une atmosphère un peu à la Jean-Michel Jarre, etc. Et en fait, tout de suite, bon... est un peu née l'idée d'aller beaucoup plus loin, d'en faire un morceau beaucoup plus large, où du coup nos deux univers se mêleraient, où moi j'apportais des choses à sa partie, lui apportait des choses qui, et ce qui a donné le résultat que vous avez découvert cet été. Ok. Alors, moi, ça m'a particulièrement touché. Est-ce que, Benoît, tu pourrais aller voir Jean-Luc s'il pourrait pas trouver une solution pour... Parce que ça fait... c'est pas pratique. Hein. S'il te plaît, merci. Moi, ça m'a particulièrement touché, puisque moi, au vu de l'âge que j'ai, la série, je l'ai découverte quand elle est arrivée dans les années 70. Et cette partie-là, en fait, je sais pas si toi, tu as suivi l'historique de ce morceau. Mais il n'existait pas dans la série. C'est le célèbre Eric Chardin qui avait composé ce morceau-là pour essayer, comme on disait à l'époque, pour franciser la série. C'est exactement ça, oui. C'est ce que j'ai découvert plus tard, je ne le savais même pas. Mais c'est vrai qu'en faisant des recherches, du coup, bah, pour un peu illustrer ma vidéo, je me suis rendu compte de ce décalage qu'il existait entre les japonaises et les versions françaises. Et donc effectivement, c'est Eric Chardin qui s'était chargé de la BO française. Il y avait d'un côté Eric Chardin et de l'autre côté, il y avait donc Didier Barbelivien. Donc là, on va illustrer tout ce qu'on vient de dire à l'instant en proposant le fameux morceau. Alors, j'espère que ça va fonctionner normalement. Voici donc par Soul Machine. Le fameux battle theme d'Albator qu'on avait découvert en 1978 sur Antenne 2. Mais c'est vrai que tu parlais de Jean-Michel Jarre au début de notre discussion, et c'est vrai que ça fait fortement penser à Jean-Michel Jarre. Pour ceux qui l'ont connu. Oui, l'hommage est entièrement assumé. C'est bien. On est deux fans de la première période de Jean-Michel Jarre sur les albums Oxygène et Equinox. Et c'est, voilà, l'hommage est non dissimulé. Non mais c'est bien parce que c'est vrai que on l'entend un peu moins, mais il y a eu une grande période de Jean-Michel Jarre où il sortait des singles et on avait le plaisir de le diffuser, et là c'est vrai qu'on retrouve c'est souvent le cas dans ce que tu nous proposes, c'est qu'on a vraiment à différents endroits différents plaisirs, différents souvenirs qui reviennent, et là c'est quand même assez étonnant en écoutant ce thème qui a marqué les petites tête blonde de l'époque, de penser à Jean-Michel Jarre, c'est le petit cadeau en plus, en fait. Alors, je voulais qu'on s'arrête maintenant sur une autre actualité, et on n'en a pas parlé, puisque, il s'est écoulé une paire de mois avant que tu puisses nous rejoindre aujourd'hui, c'est le fameux titre « Ellie Vélo ». Alors là, on avait déjà avec Milky Way voyagé, touché la poésie, des images magnifiques. Mais alors là, avec Ellie Vélo, c'est... J'ai pas de mots, quoi. Autant la musique que le clip en lui-même, ça nous ramenait... Alors là, excuse-moi, de nouveau, je prouve que j'ai un certain âge, mais ça me rappelle certaines émissions pour jeunesse où on avait de l'animation... on avait l'impression que c'était... c'est pas l'impression, c'était de l'animation avec du papier ou de la pâte à modeler. On avait des trucs voilà, qui étaient faits à l'époque, avec les moyens de l'époque. Et là, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ça m'a projeté dans des souvenirs d'enfance sur des programmes qui ont disparu. Mais grâce à toi, il y a des souvenirs qui sont revenus. Oui, avec même le petit vélo d'E.T. à un moment donné aussi, on était tous partis là-dedans, dans ce délire, oui. Avec les premières images, on était partis là-dedans. Mais alors toi, de ton côté, Ellie Vélo, c'est venu comment ? Alors écoutez, je ne saurais pas vous dire, c'est un morceau qui m'est venu un peu comme ça, que j'ai composé très très vite, et très vite, il m'a inspiré un peu ce retour à l'enfance, et d'un côté, le côté animation, qui n'était pas forcément un hommage à quoi que ce soit, mais qui était, voilà, qui faisait plutôt écho à des choses internes, et ensuite, un voyage qui partirait également dans mes références, comme on peut voir certains passages de films, on va dire, de science-fiction qui m'ont beaucoup marqué. Et voilà, je me suis laissé porter, il n'y a pas beaucoup de choses qui étaient calculées. Je savais que je voulais faire de l'animation pour cette vidéo, ça m'a pris 6 mois en tout. Ah oui, quand même. J'ai demandé énormément de dessins, parce que c'est de l'image par image. Et ça a été vraiment un gros travail, et je suis vraiment très heureux du retour, des émotions que ça a suscité chez les gens, comme l'avait été avant Milky Way. Le résultat est là, il y a pas, oui. Voilà, et au moins les 6 mois n'auront pas été dans le vent, parce que c'est vraiment magnifique. Mais alors toi aussi, tu as utilisé le système de réalisation image par image. Oui, c'est vraiment de l'animation image par image. Au départ, je voulais vraiment faire quelque chose en stop motion, pas forcément de manière dessinée, plutôt avec de la photo, et puis en fait très rapidement, je me suis orienté vers le dessin. Et voilà le résultat. Alors donc, c'est pour cette raison qu'on a cette sensation, il y a un côté magique. Il y a un côté... là, il y a Sylvain qui, lui... Non, mais je dis respect, parce que moi aussi, je fais des clips vidéo, je fais de la musique. Et c'est vrai que du image par image, je ne peux pas mettre 6 mois pour produire un titre, c'est pas possible. Non, mais là, de morceau en morceau, de clip en clip... Non, je suis admiratif, bravo. Des clips, c'est même pas des clips, on a l'impression d'avoir des mini-films. Oui, c'est vrai. Mais c'est... Alors même si on n'est pas... Parce que bon, moi, j'ai des goûts musicaux qui sont assez fermés, mais même si clair. On est... Même... Profitez-en aujourd'hui. Même ouais. Si... voilà, alors je... Voilà, la musique, là, pour le coup, m'a emporté. Et puis, alors, les images, c'était féerique. Je ne sais pas si j'en dis trop, mais si. C'était vraiment... Il y avait un effet assez énorme. Il y a une âme, en fait. C'est juste ça qu'il veut dire. C'est ça. Il a créé une âme, une musique qui parle et des clips qui l'habillent parfaitement. Il a mis tout ce qu'il savait faire dedans et avec du mieux qu'il pouvait. Bah, comme à chaque fois, c'est du somme. Le résultat est là. Hein. Oui, le résultat est là. Et donc... C'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Ouais, c'est difficile, hein, d'émission en émission, il faut toujours essayer de trouver autre chose. C'est pas facile de se renouveler, Jérémy. Tu nous aides pas. Hein. Et là, moi, j'ai un compliment, une salutation magnifique, puisque... De morceau en morceau, de diffusion en diffusion, à un moment donné, il y a eu quand même un sacré retour. Et moi, quand j'ai vu ce retour-là, je me suis dit, mais punaise, mais oui, c'est normal, puisque je veux arriver sur le sujet des joueurs du grenier. Oui. Et là, effectivement. Et là, ça a été un sacré retour, puisque ces personnes qui font des émissions reviennent sur d'anciens jeux, si j'ai bien compris, à un moment donné, ont rencontré notamment Jace et les Conquérants de la Lumière. C'est ça, en fait, c'est même beaucoup... Enfin, c'est encore plus touchant pour moi, puisque donc Fred et Seb de la chaîne Joueurs du Grenier sont vraiment, pour moi, les premiers youtubeurs que j'ai admirés, et je les suis depuis le début. Ils ont gardé leur intégrité jusqu'à aujourd'hui. Ils ont vraiment une... Comment dire, je me retrouve chez eux dans cette, comment dire, dans cette envie de fournir un travail qui ne, comment dire, qui ne suit pas les modes et ils ne suivent que leur envie. Et je me retrouve énormément chez eux, au-delà du sujet des jeux vidéo qu'ils traitent. Et c'était vraiment mon rêve caché qu'un jour, je puisse leur partager mon travail. J'avais déjà essayé par des voies détournées de les contacter. Je n'avais jamais vraiment réussi puisqu'ils sont... ils ont des millions d'abonnés, donc ils sont complètement injoignables. Et un jour, un soir, je reçois ma vidéo de Jay, se met à avoir des commentaires. Ouais, le joueur du grenier vient de la diffuser en live, super, etc. Donc là, waouh. Et du coup, je me suis dit... Alors, j'ai vu le live en question, effectivement, et il citait mon nom, il semblait connaître la chaîne. Ça m'a assez secoué et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas leur rendre hommage également à eux aussi en composant et en filmant à une vitesse record, en fait, bah, reprendre le générique de leur émission, en faire une vidéo, le tout en, je pense, une semaine, 10 jours maximum pour leur envoyer, pour ne pas qu'ils aient oublié entre-temps. Et je tiens à remercier toute ma communauté qui a été là, en fait, tous ces jours-ci pour assister au live du joueur du grenier, pour lui envoyer la vidéo, pour faire en sorte qu'il le voit, ce qui a fonctionné. Donc j'en suis très heureux et ça a même abouti, enfin, il m'a écrit ensuite sur Twitter. Donc ça a été 2 semaines assez ça s'est passé au printemps et ça m'a beaucoup ça m'a vraiment fait plaisir. Mais alors, j'avais une question, Laurent, oui, c'est Sylvain là, qui parle. Jérémy, il me semblait que la vidéo, c'était un pur hasard qu'il soit tombé sur ta musique, en fait, quand j'ai vu le live du joueur du grenier. Il me semblait qu'ils sont tombés sur ta musique, ils ont bloqué et ils ont cherché à savoir qui tu étais. Je me trompe ? Alors, pas que je sache, en tout cas. C'est l'impression que j'avais eue, en tout cas. Hein, mais En fait, lors d'un... Alors, peut-être qu'il y a eu un précédent live où ils étaient tombés dessus. Il y a eu après, ensuite, il a rediffusé une autre fois, plus récemment, en fait, la reprise de Jace pendant qu'il jouait un jeu qui lui faisait penser un peu au Monstre en Plante. Et là, par contre, il y a eu d'autres gens qui sont arrivés sur ma chaîne en disant, tiens, Fred vient de... ce morceau, mais il n'a pas dit qui c'était et on vient de se trouver, etc. D'accord. Mais à la base, la première fois où il a parlé de moi, c'était plutôt, il faisait une soirée où il évoquait un peu les dessins animés des années 80, etc. Tout le monde lui parle de Jace et du coup, il a dit, bah tenez, je vais vous faire écouter un truc. Si un jour il faisait une reprise de dessin animé, il faudrait mettre ce générique-là, et c'est là qu'il a diffusé ma reprise et en parlant de ma chaîne, en disant qu'il la connaissait. Donc en conclusion, il faut harceler pour être connu, c'est ça la morale de l'histoire. Bah apparemment non, parce que tout ce que j'avais essayé pour les contacter n'avait jamais fonctionné, et finalement il n'y a que le hasard qui a fonctionné. Ouais. Donc, Ou le talent peut-être. Le talent. Je pense que c'est le talent. Talent et en retour, eh bien eux ils ont eu un sacré cadeau du virtuose. Écoutez ceci. En tout cas, moi, je tiens à préciser une chose, c'est que depuis que je suis tombé sans me faire mal sur Jace et les Conquérants de la Lumière, je vis vraiment une parenthèse enchantée à chaque fois que j'écoute tes morceaux. Et à chaque fois, c'est un véritable bonheur de parler avec toi, de t'avoir au téléphone. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais il va falloir vraiment, à un moment donné, qu'on se bouge pour se rencontrer en direct, en live. J'ai vraiment envie de te rencontrer. Et là, ce soir, donc, une nouvelle fois, alors on sera pas du côté des Retrovisions. Ce soir, c'est un nouveau morceau qui va apparaître à 20h. Et là, le clip qu'on va découvrir ce soir, est-ce que ça t'a pris 6 mois ? Plusieurs, 4. On va dire 4 mois, ouais, je pense. 4 mois ? Oh, punaise. Alors... c'est encore... je me suis encore compliqué la vie. Tu es vidéaste ou musicien ? C'est quoi ton métier ? C'est quoi ? Faire des clips ou faire de la musique ? Parce que là, on se demande. Ce que j'aime, c'est créer. En fait, ce que j'aime, c'est créer. Donc, la musique est évidemment ma passion. Et j'ai toujours aimé, depuis l'enfance, que ce soit à travers les dessins ou d'autres choses, vraiment réunir plusieurs formes d'art et de création pour proposer quelque chose. Voilà. Je comprends. De fini, d'abouti. C'est un artiste, en fait. Exactement, voilà. Et donc ce soir à 20h, c'est Hypnocratie. Alors, je sais très bien que tu vas rien nous dévoiler, mais allez, si tu pouvais nous donner quelques... Allez, on a vu l'ambiance bleutée, la lune... L'œil, il y a eu plein de signes un peu tout au long de ces dernières semaines, depuis début septembre. Allez, si tu pouvais nous redonner un petit indice pour nous faire attendre encore une heure et demie. Ça m'a pris 4 mois. Voilà. D'accord. Ah bah d'accord. Le mec est fort. Il tient son sujet. Et la réponse est simple. J'ai demandé pourtant pas grand-chose. Non, mais là, il y a eu un teasing vraiment terrible. Et là, on arrive sur la dernière ligne droite. Donc, on va devoir patienter. Et c'est ça aussi le charme de ce que tu nous proposes. C'est que, en fait, c'est un packaging complet. On a l'image, on a la musique, on a le clip et on a ce teasing, ces infos qui sont distillées tout doucement avant de découvrir l'œuvre finale. Et en plus, il passe à la radio. Ouais. En plus. Il passe à la radio, il passe sur YouTube. Joueur du grenier, partout. Voilà, donc moi je rêve d'une seule chose, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un le contacte pour lui dire, parce que quand on voit ce qu'il a fait pour les Mystérieuses Cités d'Or, où tu prends le morceau, tu pourrais très bien l'incorporer dans les nouveaux épisodes, ça passerait crème. Et on l'avait en générique, n'oublie pas. Oui. Alors en générique, on avait eu Ulysse 31. Oui, c'est vrai. Et quand on voit comment il a revisité le battle theme d'Albator, voilà, un jour, si quelqu'un te contacte pour faire des musiques, une BO d'une série, ça serait une suite logique. En tout cas, ce soir, nous, on attend avec impatience. Je le répète, même si c'est pas un rétrovision, on attend ça avec impatience parce qu'on adore ton univers, on adore ce que tu nous proposes. Écoutez, je vous remercie, ça me touche énormément. Donc, très prochainement, hein, si on a à un moment donné un rétrovision, pourquoi pas au cours de l'année, on peut le faire plusieurs fois dans l'année, hein, pas une seule fois. on peut se retrouver et puis parler. Et puis, de toute façon, il va falloir se faire une rencontre à un moment donné. Ça, c'est obligé. Un grand merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Et puis, merci à vous. Bon courage pour tout à l'heure à 20h. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Soul Machine, Jérémy avec nous pour cet événement de ce soir. Si vous allez sur samedi.fr, vous pouvez découvrir une des affiches, car j'ai eu ce cadeau dans la semaine. Il m'a dit « si tu peux attendre jeudi soir ». Donc c'est une des images qu'il a créées pour son nouveau titre qui apparaîtra ce soir à 20h sur ses réseaux. C'est pour annoncer l'arrivée de ce nouveau morceau qu'on retrouvera assurément la semaine prochaine dans Destination Série. Tout de suite, Benoît, on fait le 7 Actu. Oui. On est prêt ? On est prêt. Surtout que là, on a un dossier du jour en béton. Oui. Bah, on va s'arrêter que sur celui-là, d'ailleurs. Le reste n'est pas très... Le reste, on peut le garder pour la semaine prochaine. On peut aussi un peu... Bah écoute, c'est du béton quand même. Ah, c'est vraiment du béton. Hein, c'est du béton armé. On le fait en flash. On pourra faire en flash quand même la décision d'arrêter deux séries de France 2. Oui, bah, hein, c'est comme d'habitude. Et puis la première info du 11 août. On fait tout, quoi. C'est quand même une série que t'as aimé, cette série-là. Mais bon, avant, nous allons découvrir le nouveau jingle du 7 Actu de circonstance pour cette 24e saison de Destination Série. Cette actu avec Laurent et Benoît. Et là, on pourra annoncer tout au long de cette saison des infos tristes. Puisqu'avec une musique pareille, c'est vrai. Ça peut être triste. Et bien, en tout cas, rapidement. Rapidement. Avant de nous attaquer à vraiment l'info que tu as un petit peu déjà dévoilée tout oui, à l'heure. Oui, alors donc, un film. Le film 10% va bientôt se tourner, effectivement. L'écriture est terminée. Donc maintenant, oui, c'est en route. Et effectivement, Camille Cotin, Thibaut de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovert, Fanny Sidney, ils seront tous là. Laure Calamy également. Ou encore Nicolas Maury, ils seront tous là. Et Fanny Herrero, qui avait quitté la série au terme de la saison 3, est de retour aux commandes. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour tous les fans. Moi, je n'ai pas aimé 10%, hein, mais bon, j'ai pensé aux fans. Voilà. Donc, la deuxième info, France 2 arrête deux séries. Oui, alors deux séries quand même qui faisaient des belles audiences. Oui, deux séries. Il s'agit de, bien sûr, Tropic Criminel et César Wagner. Alors, oui, deux grosses séries qui faisaient effectivement de l'audience. Voilà, bah, il faut renouveler. Et puis, c'est ce qu'a dit la direction de France Télévisions. Il faut renouveler, il faut faire du sang neuf. Bah, ils avaient déjà fait ça avant avec les séries de France 3, hein, Commissaire Magellan et autres. Donc, voilà. Oui, d'accord, mais bon, quand France 2, France Télévisions renouvelle... C'est hein, ça renouvelle, je sais pas comment, hein. Voilà, mais ça me fait doucement rire. Il nous annonce Bête de flic pour de flic avec Fred Testo pour changer ça. Ouais, bon, je suis pas bien, sûr que Fred Testo fera autant en audience que les actrices, que l'actrice de Tropic Criminel ou César Wagner. Est-ce que ça sera plus rapide que Mongeville? La question est posée. Véronique Jeannot, bonne nouvelle, elle ne revient pas dans Demain nous appartient. Elle a décidé de choisir un vrai rôle dans une autre série. Oui, bah elle revient sur le service public et elle va tourner dans le spin-off d'Askip pour France Télévisions. Ça s'appelle Karma et elle va reprendre un rôle de proviseur déterminé à recoller les liens entre prof et élèves dans un lycée en crise. Voilà. On a des nouvelles de Véronique Jeunesse du côté de TF1, Demain nous appartient? Bah non, pour l'instant. Non, elle est toujours au Vietnam. Bah, puis pour l'instant, là, en ce moment, il ne faut même pas qu'elle revienne à 7 parce qu'il y a un tremblement de terre. Ah, oui. Mais c'est quand même super bien fait. Hein. Ah oui, c'est bien fait. Ah, c'est vraiment bien fait. Alors, ils ont choisi un rôle en carton pour Corinne Touzet. Ils ont mis tout l'argent dans un séisme du tonnerre. Alice Nevers. Alice Nevers revient pour un double épisode qui sera j'ai plus le papier, mais c'est le 22 septembre, c'est ça, si je... C'est exact, le 22 septembre. Alors, apparemment, c'est pas une bonne nouvelle. Bah, si. Bah, je sais pas, au début, tu m'as dit que c'était des infos en carton. Oui, on est d'accord. L'arrêt avait effectivement été... la décision d'arrêter avait été un peu, partagée difficilement avec la production. Donc, elle revient. Mais attention, Alice revient avec, bien sûr, son acteur fétiche. Mais elle ne sera plus avec lui, puisqu'ils sont séparés dans la série. Ouais. Et ne croyez pas qu'ils vont se remettre ensemble. Eh non. On a eu de l'eau dans le gaz et il y a eu séparation. Et là, on termine cette actu avec l'info de cette semaine. Petite info. Voilà, la vraie info. Alors là, je peux pas dire petite. Ce qui est bien, c'est que, comme tu le disais en ouverture, ça coïncide avec le démarrage de la saison. Oui. Donc ça, c'est fantastique. Alors, je relativiserai quand même. Moi, je trouve que ne nous enflammons pas trop. C'est pas la première fois qu'on dit que Kiefer Sutherland et 24 vont revenir. Hein. Sauf que lui, au niveau scénario, alors que pour cette fois-ci, lui, il dit que voilà. Le scénario est béton, ça a l'air bien parti. Sauf que maintenant, au niveau de la production, comme tu le disais tout à l'heure, la Fox a été rachetée par Disney. Disney, voilà, donc il faut se mettre d'accord. Ça va peut-être pas être aussi facile que cela. Donc à suivre, mais on ne manquera pas. Bien sûr, de semaine en semaine, d'être à l'affût et bien de vous annoncer où on en est, si le scénario est finalisé, si on sait qui revient, est-ce qu'ils vont faire revenir des acteurs fétiches, hein, pas seulement Kiefer. Et la volonté, effectivement, était de finir convenablement la série 24 heures chrono, puisque... Comme on n'arrête pas de le dire depuis que ça s'est arrêté, notre pauvre Kiefer, notre pauvre Jack Bauer, il est en prison et emprisonné en Russie. Et voilà, il faudrait quand même bien qu'il revienne un jour. C'est quand même une fin bien triste pour un héros de ce type-là. On est d'accord. Surtout que là, moi, depuis 15 jours, 3 semaines, je suis reparti dans la série. Et quand l'info est tombée, je vous en cause pas, j'étais chaud patate. Parce que moi, c'est un personnage que je ne peux pas oublier. Et quand j'aime, c'est pour toujours. Donc là, moi, je lance un message à Disney. Au lieu de nous sortir des wagons de séries Star Wars à 2 balles, gardez un peu votre pognon et faites-moi une nouvelle saison de 24. Et rappelons qu'elle n'a jamais été copiée. C'est impossible. Voilà. Hein, non, mais il y aurait pu avoir 48 heures. Non. Il y aurait pu avoir. Non, mais on aurait pu avoir des concepts qui se. Voilà. Il y aurait pu avoir des copies. Oui, d'accord. Oui. Non, dans des essais, dans d'autres choses. Je suis sûr que c'est un auditeur de l'émission qui écoute Destination Série. C'est la 24e saison. Ils vont relancer la série. Restons positifs. Croisons les doigts. Allez, on espère le tournage avant la fin de la saison. Bah déjà, si on a l'accord de Disney avant la fin de la saison, ça serait déjà pas mal. Oui, oui. Hein, mais quand tu parlais de copie dans les années 80, Dallas a été copié mais jamais égalé. Oui, oui. Non, donc, mais il y a pas, il y a eu, on voilà. Il y a eu une tentative d'ersatz, hein, avec le 24 heures. Comment ça s'appelait? Il y avait Rédemption. Rédemption, voilà, 24 heures Rédemption. Live Another Day aussi. Et voilà, mais ça n'a pas fonctionné, même si c'était pas mal avec l'acteur. L'acteur Black qui avait fait Ah oui, non, mais c'était pas mal, c'était excellentissime. Ah tu oui, veux c'était dire. Bien, oui, oui. Voilà. Le mec, il avait le charisme du personnage. Oui, non, c'était top, c'était et du 24. C'était... Sauf que Kiefer était pas là. Voilà, c'est ça. C'est comme si demain tu me fais, je sais pas, moi, L'homme qui tombe à pic sans Cold Seavers. Ah, c'est une bonne question quand même. Est-ce que 24 dépend de Kiefer Sutherland à 100%? Parce que c'est le concept qui était fort. Alors, je m'entends dire que la saison avec l'autre acteur, pour moi, elle est aussi excellente que le reste de la série. Hein. Voilà. Mais, mais ça a moins bien marché. Oui, parce que voilà, pour le plus grand nombre, Kiefer Sutherland, c'est Kiefer Sutherland. Mais si tu veux être objectif, cette saison-là, franchement, elle est au niveau des autres productions. On était tout de suite devenu accro au personnage. Qui n'était pas forcément joué dès le départ. Mais effectivement, on avait passé, les années avaient passé, et est-ce qu'on on se posait aussi la question, est-ce que on était peut-être plus dans l'air du temps? Il y a ça aussi. Est-ce que Kiefer Sutherland qui revient en 2027 ou en 2028, tu vois, est-ce qu'il courra aussi vite? Peut-être moins vite, mais est-ce qu'il y aura autant d'adeptes? Je ne sais pas. C'était la nostalgie. Là, on part sur la nostalgie. Oui, oui. Voilà. Là, on était. Non, mais là, moi, je veux rester positif. Hein. Non, mais restons positifs. Ne me brisez pas les nouilles avec de telles histoires. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de cette actu. Donc, rapidement. Ah oui, au fait, j'ai les audiences. J'ai les audiences à donner. Alors, on va faire ça sans jeu, hein, rapidement. Hein. Oui, oui. Je voudrais juste dire que. C'est plus que c'était Destination Série. Hein. Vous avez remarqué qu'il y a un nouveau Cold Seavers qui est arrivé sur TF1? Il fait des audiences de zingue pour TF1 et ça s'appelle Tracker, la série. Ah oui, oui, oui, hein, d'accord. Oui, il s'appelle Colt. Il roule en 4x4, il n'est pas dans une cabane, il est avec une caravane. Tracker, on l'avait vu sur Disney+. Oui, et tous les deux sont chasseurs de primes. Vous avez vu le parallèle quand même? C'est vrai, mais c'est pas mal, hein. Sincèrement, la série... Ça se regarde. Ça se regarde, mais tu vois, je suis assez surpris. Moi, je ne pensais pas que l'audience allait suivre. Et pourtant, elle est en tête des audiences. Moi, je trouvais que c'est... Voilà. Alors, peut-être que c'est l'acteur qui, effectivement, a un certain charisme. Ou les nostalgiques de l'Imageur. Hein. Donc, en audience, rapidement, en première position, c'était qui cette semaine? Eh bien, il n'y a pas de suspense. 5 293 000. HPI continue de cartonner. En deuxième position, c'était Meurtre à Douai. Ah, on ne cherche pas une équipe qui gagne. En troisième position, on avait La Stagiaire. En quatrième, Tracker, 3 516 000. Mm-hmm. Quand on connaît les audiences des séries américaines de TF1... doit être certainement la meilleure. En cinquième position, Rien ne t'efface. Par contre, il y avait un petit truc rigolo sur France 2. Ah oui, on s'est bien marré. Dans de beaux draps. Ah, dans de beaux draps. Oui, alors rigolo, le sujet... accroche-toi là, hein, le mec a perdu son boulot, il a plus de bagnole. Oui, mais il a décidé... C'est rigolo, qu'est-ce qu'on se marre. Mais c'est rigolo parce qu'il a décidé de jouer les cambrioleurs. Ah bah oui, oui. Donc voilà. Alors moi, je ne suis pas allé jusque-là, moi. Hein, parce que vu ce que j'ai vécu en 2023, je me suis dit, c'est bon, hein, je ne vais pas me plomber la soirée. Alors effectivement, tu as raison. Oui. Il fallait tenir un peu. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'au début, bon, j'avais déjà vu Tracker, donc je me suis dit, je vais essayer ça, je vais essayer de voir ce que ça donne. Ouais, alors là, tu peux faire un comparatif série américaine, série française. Là, donc, c'est pas un fossé qu'il y a. On a un ravin. Donc effectivement, le début était... Oui. Ah oui, oui, oui. Et à un moment donné, quand on a écumé le fait qu'il ait perdu son boulot, que sa femme l'engueule, que tout le monde se demande ce qui se passe. Il vend tellement bien. Et que là, il va déraper sur le fait de commencer à faire des conneries, des bêtises, pardon. Ben là, ça devient un peu drôle et voilà, ça m'a tenu et j'ai passé sur le deuxième épisode. Donc il devient un nouvel Arsène Lupin. Voilà, qui était franchement drôle parce qu'ils font des bêtises avec sa femme, puisqu'il met sa femme dans l'eau. Il décide d'aller cambrioler le voisin parce que le voisin n'a pas voulu les aider. Donc du coup, le voisin. T'es en train de le défendre ce principe ou... Enfin, je parle de la série. Hein. Tu défends la série ou tu l'enfonces parce je la défends. Mais voilà, il faut la prendre pour ce que c'est. Voilà, c'est un petit divertissement français. Ça commence bien, mais il ne faut pas regarder la fin. Si, mais il fallait tenir un peu pour être un peu captivé. D'accord. Si, comme Laurent, on s'arrête au fait que c'est déprimant, là, du coup, tu n'as pas eu le côté un peu rigolo qui vient après. Ah oui, non, mais là, c'est souvent le cas. Et donc, quoique, je tente souvent France 2, France 3, il faut que j'appuie un peu plus fortement sur la prise, sur le bouton, parce que ça a du mal à s'enfoncer. La 3, c'est rare. Voilà. La 2, bon, j'y vais de temps en temps, mais des fois, je me fais mal. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté donc des audiences. Tout de suite, rapidement, en quelques secondes, on va faire au moins un sujet, hein? Mais si, on fait secrètement vôtre. On n'est pas assez en retard que ça. Parce que secrètement vôtre, enfin destination série sans secrètement vôtre, c'est comme si on faisait destination série sans okay. Manon série quiz. On y va. Ça ferait bizarre. Ça me fait plaisir. Dans l'actu en plus, on y va. Oui, une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô? Oui, j'écoute. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Oui. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique Secrètement Vôtre, présentée par Sylvain. Le rétroviseur 2.0. Là, c'est la rentrée. Hein. Je ne sais pas ce que ça m'a fait, mais j'ai certainement fait une nouille. Donc là, on va retrouver quand même le premier fichier. Donc on dit que ça s'est bien terminé et que là, on commence le premier fichier, d'accord? On n'a rien entendu. Là, oui, c'est une ambiance... Ah, faut être fan pour reconnaître, je pense que Benoît a reconnu. Évidemment, Dexter. Exactement. Ah oui, alors là, j'ai... Je sentais l'ambiance bizarroïde, mais alors là, pour donner ça à Dexter, non. Bon, en fait, Dexter, là, je voulais parler de la série originale, parce qu'il y a beaucoup d'actu autour de Dexter. Il y a Dexter New Blood, il y a Dexter Origin, Dexter Resurrection. Mais je voulais parler de l'origine, comme on l'entend dans le générique en ce moment. Dexter, c'est 2006 à 2013, c'est 8 saisons, 96 épisodes. Alors, bien sûr, on ne le présente plus, c'est un expert à la police de Miami, il est flic le jour, tueur la nuit, tueur en série même. Bon, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Mais en fait, je voulais revenir sur des anecdotes ou des petits secrets de cette série, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, entre autres à propos du nom Dexter, il n'a pas été choisi complètement au hasard. Alors, il y a une origine déjà anglaise qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais qui vient de Desiderius, c'est veut dire gouverneur du peuple. On pourrait dire un petit sens sous-entendu comme quoi il essaye un peu de mettre sa loi dedans. Mais surtout, Dexter, en fait, en latin, ça veut dire droite. Et c'était utilisé pour la symbolique au niveau des pièces, parce que dextre en latin, ça veut dire droite, et sinister en latin veut dire gauche. Et en fait, c'est le double visage de Dexter, sinistre et droit en même temps. En fait, c'était très élaboré au niveau du prénom. Je voulais revenir au moins sur cette symbolique parce qu'elle est passée complètement, à mon avis, à côté de plein de gens. Et c'est peut-être une origine latine qui explique tout ça. Tu savais ça, toi, Benoît? Non, bah tu vois, j'ai appris. Ça vient du latin « dextre », voilà. La chronique porte bien son nom. Hein. J'avais pas la dualité. Je savais que ça venait de la droite, mais la droiture, mais j'avais pas le côté. Voilà, c'est sinister pour le côté face. Voilà. Et puis les faces. En fait, c'est sinister et dextre. Il y a également une grande référence au cinéma. Alors là, par contre, il faut être très fan. Dexter, quand il achète ses tranquillisants pour endormir ses victimes, utilise un nom d'emprunt et il utilise Patrick Bateman. Batman, pardon, il n'y a pas de K, c'est un T. Et en fait, Patrick Bateman vient du héros du film American Psycho. Encore un clin d'œil bien caché. On est toujours dans une ambiance qui fait rire, hein, qui fait sourire. C'est à l'image du générique de oui, tout oui, à l'heure. Oui, mais on est vraiment, c'est vraiment pointu. Alors, par contre, si vous voulez une recette, par exemple, pour faire du faux sang aussi, c'est intéressant. Comment ils ont fait le faux sang dans Dexter? Parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est un peu sa spécialité. Alors, c'est un produit écologique? Alors oui, on peut le dire, c'est à base de sirop d'érable. Oui. Mais le problème, c'est que ça attire les insectes, donc ils rajoutent de l'essence de menthe pour les éloigner. Et pour éviter que ça tâche, ils mettent du liquide vaisselle. Donc en fait, si tu mets les trois, bah, tu fais du faux sang. Ok. C'est assez malin. Donc j'allais sortir la vanne. Bah, l'acteur, on a absorbé pas mal, mais non, avec le liquide vaisselle, non, c'est pas terrible. Un peu trop. Mais la recette est assez sympathique puisque ça part à toutes les éventualités. Il y a également un détail caché. Alors moi, je l'avais vu personnellement, mais j'avoue que là encore, c'est des choses très subtiles. Il y a une référence en fait implicite à The Office, une autre série célèbre. Et on peut le voir à travers une imprimante. Parce que la marque de l'imprimante que utilise Dexter, c'est la marque Sabre. Et ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la série The Office. Encore des références croisées qu'ils auraient cachées, effectivement. Il n'y en a pas un qui a inventé la marque pour en vendre. Non, c'est une série fictive. C'est une marque fictive, une société fictive. On avait déjà vu certains reprendre certains détails. Et là, personne n'a eu l'idée. Pas très vendeur. Bah, je suis pas sûr que ça la meilleure référence du monde entre nous. Puis dernier un truc sympa, c'est pour reproduire les lamelles de sang que tu collectionnes Dexter. En fait, c'est rangé dans une boîte comme on le sait dans le climatiseur. Mais pour les fabriquer, en fait, ils utilisent juste de la teinture pour meubles. En fait, c'est pas du sang, bien évidemment. Sinon, ça coûte très cher en vie humaine. Mais non, c'est juste de la teinture. Donc, on peut reproduire facilement cet effet-là avec les lamelles, avec juste de la teinture. Donc, voilà. C'est ce qu'on pouvait dire, en fait, sur Dexter. C'est toujours un bel équilibre entre l'horreur et la subtilité du personnage. Mais on l'aime, comme on disait avec Benoît, juste avant l'émission. On se prend d'affection, bizarrement. Bizarrement, oui. Donc toi, Benoît, qui organise souvent des soirées à thème et compagnie, t'as noté la recette pour le sang Oui, oui, oui. Sirop d'érable, on a dit, voilà. De l'essence de menthe pour repousser les insectes et du liquide vaisselle pour éviter les taches. Il me manque l'essence de menthe. J'ai le reste, mais j'ai pas l'essence de menthe. Le deuxième sujet, c'est possible de le faire la semaine prochaine? Mais bien sûr. Donc là, on va... Tout de suite aller au plus important. L'essentiel, j'ai envie. On va arriver au meilleur. Au meilleur moment de cette émission. Tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça. Bon, allez. Là, surtout que les compteurs sont remis à zéro. Les compteurs sont remis vous à zéro. Vous allez moins faire les malins dans 5 secondes. Et je voudrais signaler une chose. Je ne sais pas si tu vas l'annoncer, mais saison 3. Oui. Hein? Exactement, déjà. Déjà saison 3. Déjà, oui. Mesdames, messieurs, voici le premier épisode du Manon Série Quiz, saison 3, entièrement piloté par la meilleure d'entre nous. Destination série, le Manon Série Quiz. Eh bien, il a introduit la saison avant moi, donc c'est bien. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 du Manon Série Quiz. Est-ce qu'on gagne cette année? Et pour cette saison, j'ai un objectif bien précis. En juillet, Laurent, le winner, remettait sa couronne à Benoît, le boss. Cette année, je veux que Sylvain... Et sa couronne également. Donc, il va falloir... Tricher, non. Et non, il va falloir travailler. J'espère que vous vous êtes bien reposés pendant ces vacances, parce que là, on se remet au boulot directement. Ouais. On va directement commencer par le classique du Manon Série Quiz, un générique. Je rappelle juste vite fait les règles pour les nouveaux, si jamais il y en a des nouveaux qui nous écoutent. On va entendre un générique, le but, savoir de quelle série il est issu. On peut y aller, enfin si vous êtes prêts. Ah, tout à fait. Tout le monde est prêt? Oui. C'est parti. Le générique est long, hein, donc... Les aventures d'André Verschuren. C'est le générique de la saison 3, parce qu'il change à chaque saison. White Lotus. Exactement. C'est quoi? Je le savais. The White Lotus. C'est horrible. The White Lotus. Oui, il sort d'Indonésie peut-être, le 3. Non. Oui, certainement. Oui, si, c'est ça. L'Indonésie. C'est ça, l'Indonésie. Ah, je suis vert, je connais. Le deuxième, c'était en Italie, et le troisième, c'est l'Indonésie. Et ça raconte quoi, White Lotus? J'en ai parlé. Un hôtel. Oui, c'est. En fait, il se passe des aventures qui se passent dans un hôtel, et chaque saison est dans un hôtel différent. Ok. Très bien. Très bonne, très bonne série. HBO. Benoît commence bien, dis donc, il est content là. Laurent, n'attendez pas aussi que tu remontes la pente. Parce que j'ai senti que tu l'avais. Si tu parles de séries de plateforme que je n'ai pas, c'est sûr que je vais pas pouvoir faire de la magie. Hein, je fais le tour des séries TNT là, mais ça commence à être compliqué. Ah bah non, mais on est d'accord, t'inquiète pas. Ça, en fait, ils discutent entre eux. Oui, oui, non, mais je dis, c'est le même générique quasiment d'une année, d'une saison à l'autre, mais il y a des variantes un peu de. C'est pour ça que j'ai pas recollé tout de suite. J'hésitais à prendre le dernier, mais je me suis dit, c'est plus d'actualité, donc, donc voilà. Ouais. Bien. Ouais. C'est bien, c'est bien, il commence bien, dis donc. Hein. Oh, j'ai tout donné. C'est la saison 3 qui t'a mis à la puce à l'oreille, non? Non, quand j'ai dit saison 3 Non. On passe directement à la deuxième question. Et comme c'est le début d'année, je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour revenir sur les séries qui ont un peu marqué cette année. Et je suis tombée sur un classement des meilleures séries de 2025 jusqu'à maintenant. Ce classement est fait par le média Sens Critique. Et en fait, c'est aux téléspectateurs de voter, en fonction des séries qui arrivent, de faire son classement. Et ils font la moyenne de tous ces classements pour en faire un classement général. D'accord. Donc, je vais vous poser une question. D'après vous, quelle est la série numéro 1 de 2025 jusqu'ici ? Parmi ceux que je vais vous proposer. Et ce classement m'a beaucoup étonnée. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça quand je l'ai vu. Alors, proposition de réponse. Bref 2, Squid Game, Adolescence, The Studio ou Daredevil Born Again, c'est le nouveau Marvel. Bref 2. Moi, j'aurais dit Adolescence. Moi. Ouais, moi aussi. Bref, je sais pas pourquoi. Bref 2. C'est Bref 2. Ah oui ? Bien joué. Bref 2. Et ça m'a choquée. C'est une série énorme, française. Énorme. Bref 2 est en première position. Caviar. C'est juste caviar. Ouais. Et là, un petit point bonus. À votre avis, Squid Game est en quelle position dans ce classement ? 3 ou 4. 4. 4 ? Benoît ? Oh, peut-être même 5. 5 ? Je dirais comme Benoît. Ça, étonnamment, elle n'est pas en deuxième position. Oui, elle n'est pas. Ouais. Vu les critiques qui sont tombées. Alors, ça peut être 4, hein, ça peut être 4, comme on dit. Ouais. Mais 5, ça, 6, 7, ouais, voilà, comme ça. Mais moi, on ne va pas dire 4, moi je dis 5. Et bah c'est 10e position. Wow. Il n'a pas du tout fait l'unanimité, ça m'a choqué. C'est pas étonnant, on n'est pas surpris. C'est Adolescence qui est en 2e position. Ah, purée, j'étais pas loin. The Studio est en 4e position. Et Daredevil Born Again en 6e position. Et à la 3e place, hyper choquant, c'est Astérix Obélix, le combat des chefs sur Netflix, la mini-série en animé. Là. En même temps, elle était bien. Elle était bien, bien faite. Et bah, voilà. Une grosse. Enfin, une grosse promotion, une grosse campagne. Ouais. Donc, elle alors, a fait l'unanimité. Mais alors, bref, on est d'accord, au départ, c'était un programme court de Canal+. Mais ça l'est toujours. Ils l'ont rallongé en. Ils l'ont oui, ils sont rallongés, 30 minutes maintenant. Moi, j'ai hyper bien accroché. Hein. J'ai c'est adoré génial. Bref 2. Le rythme est toujours. Et pourtant, j'avais jamais regardé Bref 1. Et ben. C'est exceptionnel. Ouais, c'est de nom, quoi. Mais... talent d'écriture. Hein. Moi, moi, j'étais fan du premier. Ouais, j'ai moins accroché. C'est quoi, c'est la durée qui. Ouais, je trouve que. C'est pas pareil. C'était plus percutant en version courte. En version courte. Enfin, après, voilà. Il y a énormément de plans. Il avait dit, je sais plus combien, il y avait de milliers de plans pour faire la série, mais c'est hallucinant. Franchement, mais la dynamique, effectivement, est quand même gardée. La dynamique est gardée, c'est vrai. Faut pas trop se forcer. Mais bon, ça vaut un point, je suis d'accord avec toi. Bien vu. Premier point de Sylvain, c'est bien, il faut continuer comme ça. Ok, donc pour finir, on va aussi faire un petit classique. Quand je suis là, j'adore en faire. C'est une charade. Ah, c'est moi, ce que je préfère. Et attention, parce que vraiment, j'ai galéré à la faire. Elle est farfelue de ouf. Donc, elle va pas être c'est si simple. Pour commencer, c'est... voilà. Est-ce que je peux aller remettre de l'argent dans le parc-mètre Laurent, allez, ce serait bien un petit départ à égalité, un partout, ce serait bien. Donc, vas-y, Laurent. Mon premier a 6 faces et sert à jouer. Mon deuxième est le chiffre romain pour 10. Dexter. Bravo. Ok, et sur mon dernier, j'en ai marche parlé, dessus. J'ai parlé. Ah oui, bah, J'ai failli mettre une bande-son de Dexter en générique. Mais je me suis dit que tout le monde allait en parler aujourd'hui, donc fallait ne pas. Mais là, c'était pour moi. Merci. Merci, Manon. Je vois que tu as choisi pour moi qui aussi, allait gagner. Hein. Mais il n'était pas si simple, hein, parce que j'ai galéré à le faire. La compète va être dure, Laurent. Là, on a. Donc nous sommes à 2. Je vais te donner cette année, je vous avais prévenu. Hein. Bravo, bravo, bravo. Moi, tu vois, mon plaisir, moi, c'est de la voir. Mais alors, quand tu vois au début, Sylvain se posait des questions, elle a maintenant, elle maîtrise le moment, mais c'est beau à voir. D'accord, merci. Non, mais c'est maîtrise plus là. C'est la vérité. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série, il est 57, et pour une fois, on va donner l'antenne à Benoît en avance, puisque c'est la rentrée de Ça ira mieux demain. Donc du moment qu'on est en avance, de quelques minutes, voilà. on va donner l'antenne plutôt à Benoît. Et voilà, alors Destination Série épisode 1, saison 24, c'est terminé. Mais là maintenant, on attaque la nouvelle saison de Ça ira mieux demain. On a le nombre d'années de saison ? J'ai pas compté, moi, bien 4-5 aussi. Hein, oui. 5-6. Et on n'oublie pas, pardon, Soul Machine à 20h, on retrouve son clip, faut pas l'oublier. Alors, ça, oui. Franchement, c'est vrai. C'est bien de le préciser, mais voilà, moi j'ai déjà calé mon téléphone. C'est j'attends, pour les auditeurs. J'attends avec impatience, parce que là, le teasing a été énorme, donc, comme à chaque fois d'ailleurs. Donc là, ce soir, oui, restez calés sur les réseaux, retrouvez Soul Machine pour son nouveau titre.